Les trois voyageurs sauvent ensuite un missionnaire français que des cannibales allaient exécuter. Mais celui-ci ne tarde pas à mourir. Descendu pour l'ensevelir, il tombe sur du minerai d'or. Et le docteur a du mal à empêcher Joe de limiter la quantité de minerai à emporter. Au soir, le Victoria s'était avancé de 90 milles dans l'ouest. Il se trouvait alors en droite ligne à 1400 milles de Zanzibar.